On va parler de pêche avec notre ami Claude Roy. Salut Claude. Hey, bonjour Denis, ça va bien? Ça va bien, ça va bien. Le beau temps, on prévoit un été très chaud, donc c'est pas mal le fun pour la morale. Justement, parce qu'on va parler de chaleur, Ah oui, OK. on parle justement de garder les poissons dans l'eau. Il y a beaucoup de gens qui m'envoient des photos à l'heure actuelle, des photos de pêche avec des chaînes à poissons puis des cordes à poissons. S'il y a une chose que je déplore dans le domaine de la pêche, c'est bien de garder les poissons dans l'eau. Parce que même si on dit les poissons, ils sortent de l'eau, à la température d'où le poisson est, il n'y a pas de problème. Mais quand le poisson est pris après une chaîne, il flotte à la surface de l'eau. Et à la surface de l'eau, l'eau est tout le temps plus chaude et le soleil plombe sur les poissons. Et là, vous faites contaminer votre viande. C'est-à-dire que c'est comme si tu prenais un poisson, que tu le mettais sur ton comptoir de cuisine pendant une grande journée, puis que tu décidais de le manger le soir. Tu ne le mangerais pas parce que tu dis, vraiment, ça n'a pas de bon sens. Bien, une journée dans l'eau où, tu sais, on sait que c'est ainsi, l'eau est rendue à peu près à 70. Donc, avec le reflet du soleil dans l'eau, ça devient encore plus important. Et il ne faut jamais garder de poisson avec une chaîne à poisson ou une corde à poisson. Peu importe l'espèce de poisson, gardez-vous ça dans une petite glacière avec de la glace. Vous faites geler des bouteilles d'eau, peut-être que vous allez prendre dans votre journée de pêche. À ce moment-là, mettez votre poisson là-dessus dans un sac de plastique, puis il va se conserver bien au frais, mais ne gardez jamais de poisson sur une chaîne à poisson ou une corde à poisson. Okay. Plus spécifiquement, quand on va dépasser le mois de juin, ça va être encore plus terrible, parce que la température de l'eau de surface va être dans un entour de 75. Ouais. Le soleil va refléter sur vos poissons, sur les chaînes, puis là, le poisson va complètement cuire à l'eau. Donc, ne faites pas ça. Vous ne gardez jamais du poisson en bonne condition, si vous le gardez avec des chaînes à poisson puis des cordes à poisson. OK. Dis-moi, avec la chaleur, normalement, c'est pas trop bon, nécessairement, pour les... Non, mais pas pour le moment. La température n'a pas encore assez augmenté. Ouais, la température des lacs est encore fraîche. J'oublie pas qu'on est en montagne, dans bien des cas, et que l'eau va rester plus fraîche, mais on trouve tout le temps notre truite mouchetée dans les alentours de 48 à 54 degrés. Donc, ceux qui sont capables d'avoir un thermomètre un peu plus en profondeur, ben, ils vont savoir exactement à quel endroit va se situer le poisson. Mmh. Il va monter le soir vers les bords de berge pour venir manger les insectes qui, eux, vont être mangés par les petits menés. Mais dans le jour, c'est sûr qu'on ne prendra pas de poisson à la surface où l'eau va être à 70 degrés. Il va falloir descendre un peu. OK. Ben Claude, on se reparle avec Paul la semaine prochaine. Merci beaucoup, t'es bien gentil. Notre ami Claude Roy qui nous parlait de pêche.